FrenchPod.com. C'est génial! C'est la fête partout dans la ville! Regarde, ces danseurs! J'adore leurs costumes! Viens, on va suivre cette troupe de musiciens! J'ai envie d'aller dans la parade! Tu es folle! C'est réservé aux artistes! Allez, viens, suis-moi! C'est toi qui as dit que c'était la fête!